Irma Thomas sur RGM. Presque 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 18 février 1933, naissance de Yoko Ono, artiste japonaise connue pour avoir été la seconde épouse de John Lennon. 1934, naissance de Paco Rabanne, célèbre couturier espagnol qui a marqué l'univers de la mode dans les années 60. Il s'est également lancé avec succès dans la création de parfums. 1941, naissance d'Irma Thomas, chanteuse américaine de rhythm and blues. 1946, naissance de Jean-Claude Dreyfus, acteur français vu dans Je te tiens, tu me tiens par La Barbichette, La cité des enfants perdus dans le rôle de Marcello et vu également à la télévision dans Nestor Burma, Maigret ou encore Le juge est une femme. 1948, naissance de Patrick Poivet, acteur français spécialisé dans le doublage, connu pour être la voix française régulière de Bruce Willis. Il a été également la première voix récurrente de Tom Cruise et de Mickey Rourke au début de leur carrière. 1950, naissance de John Hughes, producteur, réalisateur, scénariste américain. Réalisateur de 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller. Scénariste de 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller. Maman, j'ai raté l'avion, Beethoven. Maman, j'ai encore raté l'avion. Miracle sur la 34e rue, Les 101 Dalmatiens. Maman, je m'occupe des méchants. Ou encore Coup de foudre à Manhattan. Et producteur de The Breakfast Club, Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion. Miracle sur la 34e rue, Les 101 Dalmatiens. Et Maman, je m'occupe des méchants. C'est également l'année de naissance de Cybille Shepherd, actrice américaine vue dans Taxi Driver dans le rôle de Betsy. La série télé Claire de Lune dans le rôle de Maddie Ace. La série Cybille dans le rôle de Cybille Sheridan. The Hell World ou encore Psych Enquêteur malgré lui. 1954, naissance de John Travolta, acteur américain. Vu dans La fièvre du samedi soir et la suite Staying Alive dans le rôle de Tony Manero. Vu dans le film Grease dans le rôle de Danny Zuko. Allô maman, ici bébé. Allô, ainsi que Allô maman, c'est encore moi. Et Allô maman, c'est Noël dans le rôle de James Ubriaco. Pulp Fiction dans le rôle de Vincent Vega. She's So Lovely dans le rôle de Joey Diamanti, où il est également producteur. Volte-face dans les rôles de Sean Archer et Castor Troy. La ligne rouge dans le rôle du brigadier général Kintar ou encore Opération Espadon. 1962, naissance de Marianne James, auteure, compositrice, chanteuse et comédienne française, vue dans Scène de ménage, Nina, Mongeville, jurée dans l'émission Nouvelle Star et La France a un incroyable talent. Elle a été la voix française du personnage de la grosse dame dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. 1964, naissance de Matt Dillon, acteur américain vu dans Marie à tout prix dans le rôle de Pat Healy, Takers ou encore Braquage à l'ancienne. 1965, naissance de Dr. Dre, rappeur américain. 1967, naissance de Laurent Tirard, réalisateur scénariste français, scénariste de Mensonges et Trahisons et plus si affinité. Prête-moi ta main, Le Petit Nicolas, Astérix Obélix au service de Sa Majesté, Les Vacances du Petit Nicolas, réalisateur de Mensonges et Trahison et plus si affinité, Le Petit Nicolas, Les Vacances du Petit Nicolas et Astérix Obélix au service de Sa Majesté. 1968, naissance de Molly Ringwald, actrice américaine, vue dans 16 bougies pour Sam dans le rôle de Sam Baker, The Breakfast Club dans le rôle de Claire Standish, la série télé La Vie Secrète d'une Ado Ordinaire dans le rôle de Anne Jurgens ou encore Riverdale dans le rôle de Mary Andrews. Et on termine en 1973 avec la naissance de Claude Makélélé, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1990 à 2011 en jouant à Brest, Nantes, Marseille, Celta de Vigo, Real Madrid, Chelsea et au PSG. De nombreux titres à son palmarès, notamment la Ligue des Champions et la Coupe Intercontinentale en 2002 et les Championnats de France en 1995, d'Espagne en 2001 et 2003 et d'Angleterre en 2005 et 2006. Allez, tout de suite, on s'écoute Dr. Dre en featuring avec Eminem et Skylar Grey sur le titre « I Need a Doctor ». They don't know what dope is, and I don't know if I was awake or asleep when I wrote this. Said they was riding to the death, but where the fuck are they now? Now that I need them, I don't see none of them, all I see is Slim. Fuck all you fair weather friends, all I need is him. Fucking backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you bout to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack beat, making whack ass backwards producers, I'm back bastards. One more CD and then I'm packing up my bags, and as I'm leaving I guarantee they'll scream Trey, don't leave us like that, man, cause Dr. Dre, Eminem, Skylar Grey sur le titre I Need a Doctor sur le 107FM, presque 8h45, on parle météo. La météo. Alors le dicton nous parlait du soleil de la Saint-Bernadette, et bien malheureusement aujourd'hui il ne sera pas franchement parmi nous. Ce sera principalement des nuages avec également des averses de pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 7 et 8 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera une journée mitigée, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour demain après-midi. Jeudi devrait être une journée ensoleillée, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Un mot de tennis avec le tournoi de Rio et hier l'élimination de Moutet en 3-7 face à Coria. Il n'y a plus de Français en compétition puisque c'était le seul engagé dans ce tournoi. À Marseille, à noter l'élimination de Benchetrit en 3-7 face à Gombos. Richard Gasquet s'est incliné en 3-7 face à Himer. Et Benoît Paire s'est qualifié en 2-7 face à son compatriote Barrère. Aujourd'hui, Ohang affrontera Urquez et Gilles Simon sera opposé à Maillot. À Delray Beach, Adrian Manarino s'est incliné en 3-7 face à Kwon. Aujourd'hui, Hugo Humbert affrontera Edmund. À Dubaï, Mladenovic s'est qualifié en 2-7 face à Herzog, 6-3, 6-1. À noter que c'était le retour à la compétition de Klim Clijsters 7 ans après. Elle s'est inclinée en 2-7 face à Muguruza. Aujourd'hui, Mladenovic sera opposé à Saznovic. Un mot de football et on va parler de Chelsea qui affrontait hier soir Manchester United. Chelsea s'est incliné 2-0, mais ce qu'on va retenir, c'est l'entrée en jeu d'Olivier Giroud à la 68e minute. Lui qui n'avait plus joué depuis le 30 novembre dernier, eh bien ça y est, il est enfin rentré sur le terrain. Il a même marqué, mais malheureusement, il a vu son but refusé pour une position de hors-jeu. Ce soir, c'est de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain se déplace à Dortmund avec Neymar et Mbappé. L'Atlético Madrid reçoit le tenant du titre, Liverpool. Et en biathlon, championnat du monde, aujourd'hui, c'est l'individuel féminin. Elles seront 100 biathlètes à prendre le départ, 4 françaises. La première à s'élancer sera Anaïs Bescon avec le dossard 22. Julia Simon, elle partira avec le dossard 47. Justine Brezaz partira avec le dossard 54 et un dossard distinctif puisqu'elle est leader du classement de l'individuel. Elle aura donc le dossard rouge sur les épaules et la dernière française à s'élancer sera Célia Monnier avec le dossard 69. On suivra le dossard 3 de Heuberg, le 9 de Thierry Lecoff, le 12 de Mike Aronen, le 18 de Roysland, le 26 de Dunkley, le 28 de Vitozzi, le 39 d'Hermann et le 57 de Dorothea Wierer. La première à s'élancer sera Ine Hoffer. Et demain, c'est l'individuel messieurs et le Vosgien Fabien Claude disputera bel et bien cette épreuve. Émilien Jacquelin, lui, est laissé au repos. Il y aura donc Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux et donc Fabien Claude pour compléter les 4 Français à prendre le départ de l'individuel messieurs. Allez, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Clara Luciani et sa nouveauté Ma Sœur. Ma sœur, nous avons des cœurs siamois et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je serai la même scène.